Qu'est-ce qu'on meilleur croise Gatier et Melon qui boit en marchant à l'aide de canquet? Oh, bonjour Gatier, est-ce que tu veux l'aide? Oh oui, mon dos est en mauvaise forme. Est-ce que tu peux m'assister à traverser la rue? Je ne sais pas, tu dois me payer. Ah, oh, combien d'argent? 10 euros. D'accord, à ma poche il y a 10 euros. Right. Gerard Gaston croise Honorine Thuot qui monte avec une paire de skis. Bonjour Honorine, qu'est-ce que vous faites avec des paires de skis? Je veux voyager à Les Alpes avec mon nouveau paire de skis. Oh, si j'avais l'argent, je vais acheter, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'emprunter quelquefois? Tu peux emprunter le paire de skis de ma...